en faveur de l'appel de la conférence conjointe du gouvernement et des organisations politiques et sociales de la République populaire démocratique de Corée, consistant à ouvrir à tout prix une large voie à la réunification indépendante en faisant appel à la puissante force et à la volonté ardente de la nation coréenne pour la réunification, les présidents des directions de la préfecture d'Osaka et des départements de Hiroshima et de Fukuoka de l'Association générale des Coréens récents au Japon ont publié chacun une communication le 23 courant.